On the rocks, même à l'envers, on the rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Y'a qu'à mettre tout à fond, que je vous fais chier à laisser vos merdes. Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm bring on, I bet you love it. On the rocks. Oh, j'ai une pêche, les gars. Wouh. Bon, d'accord, je vous ai un peu laissé tomber, d'accord. Il n'y a pas eu beaucoup d'émissions ces derniers temps, d'accord. Mais je suis là, bonsoir, je m'appelle Manu, l'émission s'appelle On The Rocks de 19h à 20h30. C'est sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, c'est presque tous les lundis ou presque. Et je suis très très heureux de vous retrouver. Gastro, tout ça, un petit limbago, les deux ensemble, c'était pas la peine, je ne pouvais pas faire l'émission, mais j'ai engrangé beaucoup de douceur et beaucoup d'harmonie pour vous les livrer sur un plateau d'argent ce soir sur le 96.2 ou en réécoute où vous voulez, quand vous voulez, sur ZEF, sur OnTheRocks.net, enfin partout. En tout cas, cette émission ce soir va être assez tranquille, assez cool, avec plein de nouveautés, quelques petits souvenirs aussi. La semaine prochaine, il y aura dans On The Rocks une émission spéciale, puisqu'il y aura un groupe, un trio qui viendra jouer ici, en provenance de Blois. Paddy O'Turner et sa bande seront dans les studios, et ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu un petit live dans les studios, donc ça me fait bien plaisir. Mais nous allons commencer ce soir par une nouveauté. Le morceau s'appelle Wedding Song, il est tiré d'un album que j'attendais avec beaucoup d'impatience, c'est celui d'Emiliana Torini, qui est une artiste islandaise que je suis depuis bien longtemps, depuis ses débuts, et que j'apprécie depuis bien longtemps. Alors, à ses débuts, Emiliana Torini a été comparée évidemment à Björk parce qu'on manque d'imagination, mais elle a continué son bout de chemin, elle a délaissé un peu les premières rives un peu bidouillage, un peu synthétique de ses premiers temps pour aller vers de l'acoustique et de plus en plus d'épure sur des albums comme Me and Harmony qui étaient absolument magnifiques. Et puis si Björk, elle, n'a plus écrit un morceau qui tient debout vraiment depuis bien, bien, bien des lunes maintenant, Emiliana Torini, elle continue avec son groupe qui s'appelle The Colorist désormais, à nous livrer des albums magnifiques. Le dernier ne déroge pas à la règle. On retrouve sa voix intacte, une voix qui, moi, m'émeut et qui est unique. On la reconnaît immédiatement. Une voix cristalline, un peu presque enfantine, avec beaucoup d'innocence et de malice dedans. Voici donc ce morceau, Wedding Song, tiré de l'album Racing the Storm. C'est une nouveauté, c'est Emiliana Torini. Et je suis à la fois content de vous retrouver et de la retrouver. Like a rose in a fire, and you watch it burn. There's a lot to admire in the cold, in the breeze. When the winter takes its toll, you are there, my mind is quiet, and you, and you, and here we go, my heart is yours. In the spring, when the sun speared through the trees, there was you, there was me, and oh, in the shade of a dream, your lips I pray to keep, and you, and you. Life is yours. goddess in the garden feel the wonder that you are, how much you inspire, I love. début d'émission ce soir dans The Rocks assez tranquille et le reste va être du même tonneau. Nous avons eu Emiliana Torrini avec Wedding Song et juste à l'instant c'était le magnifique dernier single d'Angel Olsen, une artiste qu'on suit aussi dans The Rocks depuis quelques années, Nothing's Free. Voilà, le dernier album d'Angel Olsen était vraiment beau, mais alors ce single assez basique hein, dans sa rythmique, on dirait un slow des années 60, mais alors quelle fraîcheur et surtout quelle émotion à l'écoute de ce morceau de Angel Olsen. J'ai pas eu la chance de rencontrer ni l'une ni l'autre de ces artistes, de les voir en concert, mais j'aimerais bien. Voilà un groupe que j'ai à la fois vu en concert et que j'ai interviewé. Vous pouvez retrouver ça sur le site ontherocks.net dans l'onglet émission spéciale. Groupe suisse qui a été passé à Hop Hop Hop entre les gouttes du confinement et des différents confinements. Ça avait été un véritable bain de jouvence et de retrouvailles musicales que ce festival au pop-up d'il y a 2 ans. C'était Black Sea Dahu qui reviennent avec un album, avec des singles de temps en temps. À la fin du dernier EP, il y avait ce morceau qui s'appelle My Guitar Is Too Loud. Eh bien, on y retourne. Voici donc Black Sea Dahu dans The Rocks. On every step. There's a fountain flowing from my pen. There's a road that I walk, and she's walking with me too. She's in my shoe. I tell myself, celle de Theo Katzmann à l'instant, tiré de son dernier album, je crois. En tout cas, c'est un morceau qui vient de sortir, Theo Katzmann, avec She's in My Shoe, ce multi-instrumentisme instrumentiste américain. Et puis juste avant, c'était Black Sea Dahu, les fameux Black Sea Dahu, avec My Guitar Is Too Loud. Voilà quelqu'un que j'ai rencontré il y a bien longtemps, et ça avait été une rencontre absolument lumineuse avec une personne extrêmement sympathique et talenteuse, mais ça on le sait. Elle revient un peu sur le devant de la scène après une petite éclipse. Elle s'appelle Faced, Leslie Faced. Elle est canadienne et elle revient avec un morceau qui s'appelle Hiding Out in the Open, avec un morceau absolument voilà stratosphérique. Elle a des sortes d'envie de chantilly de grandeur sur ce morceau, et pourquoi pas, elle a le droit de se faire plaisir aussi. Voici Faced, donc c'est une nouveauté encore une fois dans The Rocks, Hiding Out in the Open. Everybody's got their shit, got their shit. But who's got the guts to sit? Who's got the guts to sit? Who's got the guts to sit? Everybody's on their own, is on their own. So that we will never belong, never belong. But the mirror in another's eyes, that'll get you. Different ways to hide. Hiding out in the open. Oh, aussi quelqu'un qu'on aime depuis bien longtemps dans The Rocks. Alors lui-même, pas forcément, hein. Voilà, la scientologie, ça n'a jamais été vraiment ma tasse de thé, mais en tout cas, en tant que musicien et en tant qu'artiste imparable, il multiplie les collaborations ces derniers temps avec Paul McCartney, avec Gorillaz. Eh bien, c'était Beck qui revient avec là où moi je l'aime le mieux, c'est-à-dire une guitare acoustique, une voix, et je trouve que l'épure lui va magnifiquement bien. C'était une nouveauté, ça s'appelait Thinking About You, et puis juste avant, c'était Faced avec Hiding Out in the Open, un morceau pas si grandiloquent que ça, j'ai confondu avec un autre morceau de l'album qui lui est un peu plus chantilly, celui-là était assez épuré et très très beau, j'ai eu raison de le programmer, merci, je vous en prie. On se remercie soi-même, sinon personne ne nous remercie jamais, vous pensez bien. J'ai une belle soirée samedi soir, je vous raconte un peu ma vie, mais c'est une vie radiophonique, puisque deux artistes absolument, comment dire, qui gagneraient à être connus, non, puisqu'ils sont déjà un peu connus, mais quand même que j'aimerais diffuser dans l'émission à qui mieux, puisque bah voilà, leurs deux derniers disques respectifs sont vraiment magnifiques. Et la première, on l'a beaucoup diffusée dans The Rocks depuis quelques années, c'est Pollyanna, artiste voilà, qui vient un peu d'une lignée un peu indie, anglo-saxonne, et qui le fait très, très, très, très bien. Une artiste majeure, à mon avis, dans le style, qui vient de sortir un album. J'avais déjà diffusé le single Mind Time, qui vient de sortir un mini-album qui s'appelle Mind Time, justement. Et elle est accompagnée sur sa tournée qu'elle démarre par une autre artiste que je ne connaissais pas et que j'ai rencontré à cette occasion, qui s'appelle Ohio, O-A-I-O, Ohio, qui vient de sortir un album Bizarre Monde, un album assez déconcertant, mais dans le bon sens du terme, un peu compliqué de mettre une étiquette dessus. Il y a des morceaux très folk comme celui qu'on va se passer maintenant en anglais, il y a des morceaux en français plus chansons françaises, et puis il y a de l'espagnol qui vient nous rendre visite de temps en temps. C'est absolument somptueux, cet album qui s'appelle Bizarre Monde. Eh bien, ces deux artistes partaient en tournée, et elles commencent une tournée là de 15 jours je crois, et donc elles m'avaient demandé d'organiser un petit concert sur Orléans. Alors bah, le problème, c'est qu'organiser des concerts comme ça, c'était un peu compliqué, j'étais un peu pris de court. Bah c'est pas grave, elles sont quand même passées par chez moi, on a mangé ensemble, on a bu des coups, on a parlé, on a bien rigolé, elles ont dormi dans mon hôtel particulier, et ça a été l'occasion d'enregistrer une interview croisée réjouissante qu'on se diffusera dans un mois maintenant, ce sera le 8 mai, avec également deux fois deux morceaux, deux joués par Pollyanna et deux joués par Ohio, tirés de leur album respectif. Ça a été vraiment un très très beau moment et une très belle rencontre. Elles sont sur la route en ce moment, elles font un double plateau, ce qu'on appelle, c'est-à-dire voilà, quatre petits sets avec un set de l'une, un set de l'autre, et puis des petits sets mélangés où elles harmonisent et elles enluminent les morceaux de l'autre. Vraiment, allez-y, et puis on va essayer d'organiser ça un jour dans le coin, ça serait pas mal. Quelques pistes à bois peut-être, on va voir. En tout cas, on va se passer deux extraits. Un extrait de chaque album. On va commencer par Ohio, avec le morceau qu'elle a joué acoustique d'ailleurs et que je vous diffuserai le 8 mai. Le morceau s'appelle That Song, et c'est ce style de chanson que les chanteuses folk, alors c'était marrant parce que Bloomy c'était un peu pareil, lorsqu'elle m'avait donné, fait cadeau de son morceau très folk à la Joni Mitchell, c'était presque, presque pas honte d'avoir fait un morceau comme ça, presque oh, l'air de dire ouais mais là c'est vraiment de la folk, hein, c'est vraiment de la folk. Bah oui, mais c'est de la folk, mais c'est de la folk d'une grande pureté. C'est le cas de ce morceau That Song, et on va commencer donc par Ohio, la version de l'album, la version live on the rocks, vous l'aurez un peu plus tard, et puis ensuite Pollyanna avec la grande Isabelle Casier qui nous bah là ça va être Four Seasons. Encore une fois, c'est le morceau que je lui ai demandé aussi de jouer, elle me l'a joué acoustique, et la version acoustique on the rocks vous l'aurez le 8 mai lors de l'émission spéciale, double émission spéciale Ohio Pollyanna. On commence par Ohio avec tiré de son album Bizarre Monde, qui est n'est pas si bizarre, mais qui est somptueux. Voici le morceau qui s'appelle That Song. Gonna say it, not until you fight. She's old enough to fight. That song in your eyes, that song, it really makes her cry. It might seem strange to you. If you chose to forget it, if you chose not to fight. She's old enough to fight that song in your eyes. That song, it really made her cry. So if she seems to look, if she seems to look away for the moment, it's because she knows, it's because she knows some things about lovers. What do you think you're doing? She's never gonna give in. She cannot take the lies. She'd rather have the thought of you in her arms than the sight of you leaving her to dry. So if she seems to look, if she seems to look for long gone soldiers, because she moves, it's because she moves away from your type of killers. So she's in love with you, she's never gonna say it, even if you fight. She's old enough to know that someday you'll go, and she knows it will really make her cry. She's old enough to know that someday you'll go, and she knows it might even make her die. Like a deadly more love had become, you had to cut it off to move on. And you told me that it would be fine. All we needed was just a little time. You didn't help me, help me, help me at all with your strength. You didn't help me, help me, help me at all with your strange arrangement. Now a year has flown like a rocket, and your silent storm's driving me nuts. I would never your hand if I had known I would lose a friend. You didn't help me, help me, help me at all with your strange arrangement. You didn't help me, help me, help me. Love. l'instant Pollyanna, donc avec Four Seasons, et juste avant c'était Ohio avec That Song. Notez bien sur vos tablettes donc, une émission spéciale de ces deux artistes sera le 8 mai dans The Rocks. Elles seront pas dans les studios, mais l'interview réalisée, je vais vous monter ça aux petits oignons, et puis voilà, je vous diffuserai ça au début du mois de mai. Voilà quelqu'un qui est déjà passé en interview dans The Rocks. Je me souviens que le micro était complètement pété. Donc l'interview était très intéressante, mais il fallait quand même tendre un peu l'oreille. Il revient avec un album égal à lui-même. On reconnaît lui aussi sa patte immédiate. Il y a un duo avec Dominica sur ce disque qui est assez incongru. C'est un peu étrange, ce duo avec Dominica. Mais le reste de l'album est vraiment de très haute volée. Mais un peu tous ses albums sont de très haute volée. Il s'appelle Ashburn et voici son morceau qui s'appelle New Moon. There's been a war going on in my head under the trees half dead. There's so much mess going on within me that I could never explain. It's been so long since we've been blinded by the light. Go ahead, tell me I'm just a dreamer. Oh, when the light gets dimmer, I bet the soul gets wiser and our letters are strange. Oh, here's a big blue moon again. I know there's a blue moon coming back again. There's been a war going on in my head under the trees half dead. It's been so long since we've been blinded by the light. Go ahead, tell me I'm just a dreamer. Where there's a crack, we'll let the light in. Where there's a crack, we'll let the light in and set it in stone. Oh, here's a big blue moon again. I know there's a blue moon coming back again. We'll get blinded by the light again. particulièrement lumineux, qui met de bonne humeur, un feel-good music album, celui de Margot Price à l'instant avec Time Machine. Tout l'album est vraiment très bien. Et puis Ashburn juste avant, évidemment le français avec New Moon qui chante en anglais, c'est pour tromper l'adversaire. Si vous êtes fan de Taj Mahal, si vous êtes fan de Ben Harper, si vous êtes fan de Roseanne Cash, eh ben vous allez aimer le morceau suivant car ils sont tous réunis plus quelques autres pour un morceau enregistré à distance les uns des autres, jamais rencontré en studio je pense, mais voilà, ça se fait comme ça, on se filme chez soi, à l'autre bout du monde, on envoie notre piste et ça fait un morceau. Ringo Starr a fait quelques fois ça également. Voici Taj Mahal, Ben Harper, Roseanne Cash et quelques autres avec Queen Bee, la reine des abeilles. Et forcément, je dédie ce morceau à la vraie reine des abeilles. Love me searching for the right thing to say. And that's a long time to search for the right words. But I watch their faces change expressions as they're talking at me. They're so quick to repeat what they've heard. I miss the meaning, I miss the Ben Harper et compagnie avec Queen Bee dans The Rocks. À l'instant, c'était tiré du dernier album de Brendan Benson. Et oui, le petit chou de l'émission Brendan Benson avec I Missed the Plane. Alors voilà, il un petit peu, c'est moi ou il y a un petit peu de vocodeur à la fin? Enfin, pas de vocodeur, de, voilà, de, hein, d'autotune. C'est possible, en tout cas c'était assez discret pour que je ne me mette pas en PLS. Voici une artiste de 23 ans qui vient de débouler sur la scène internationale et qui déboule avec avec grâce et avec promesse. Elle s'appelle Gracie Abrams. Voilà pourquoi les drogues sont faites. C'est le nom du morceau, This is what the drugs are for. C'est dans The Rock, c'est une nouveauté et c'est très très très prometteur, donc c'est maintenant. This is what the drugs are for. Turn the lights off on the come down. I still get emotional when I think about your old house. Hopefully the high works to change my mind. Now just to ask if you might leave her. She appears in dreams, chasing after me. Look, now I'm alone again. I've gotten used to sleeping here without you. Though I try, Ah bah évidemment, si vous êtes fidèle dans The Rock, vous avez reconnu la voix immédiatement. C'était David Fecknam, à l'instant tiré de son bien bel album et bien beau dernier album. Le morceau s'appelait Duties et si vous avez tendu l'oreille, vous avez remarqué que, et vous vous êtes souvenu que David Fecknam est chanteur, certes, et guitariste, certes, mais était batteur à l'origine, et je pense qu'il se fait plaisir sur ce morceau. Et juste avant, c'était Gracie Abrams avec This Is What The Drugs Are For. Il y a eu un documentaire assez sympa sur Arte sur la vie des Eagles. Les Eagles, ça fait partie un peu des plaisirs coupables, des fois, dans le milieu de la musique. On dit pas, alors dire qu'on aime Crosby, Stills, Nash & Young, ça fait bien. Et dire qu'on aime les Eagles, ça, oh, les Eagles. Ben voilà, je maintiens. C'était un très, très grand groupe vocal et un très grand groupe avec des très fortes individualités. On le voit dans ce documentaire. Alors là, depuis la reformation, c'est quand même un petit peu moins bien. Mais, ben voilà, dans les années 70, c'était quand même un sacré groupe. Et on va se passer un morceau qui est un sacré morceau d'un sacré groupe. Ça s'appelle The Last Resort. C'est le morceau qui clôt l'album Hotel California, et c'est chanté par Don Henley, le batteur, et je vous conseille vraiment d'aller regarder ce documentaire. Et puis je vous conseille également le documentaire dont on vous parlait avec Sylvain Trémaux il y a peu de temps, c'était il y a 15 jours, le documentaire sur Sean McGovern sur Arte, parce que c'est quand même assez réjouissant. Voici The Eagles, petit souvenir avec The Last Resort. C'est pas le morceau le plus connu et c'est pourtant une de leurs merveilles. Across the sea. just like the missionaries did so many years ago. They even brought a neon sign. Jesus is coming. Brought the white man's burden down. Brought the white man's rain. Who will provide the grand design? What is yours and what is mine? There is no more new frontier. We have got to make it here. We satisfy our endless needs and justify. Suitcase of memories, time and Parfois, il y a des mystères, on ne s'explique pas. Eva Cassidy, qu'on vient d'entendre à l'instant, ça coche un peu toutes les cases qui, normalement, me tiennent un peu à distance. Donc, voilà, une chanteuse qu'on pourrait penser un peu lisse, un peu... qui a une très, très jolie voix, mais qui est très, très mainstream, on va dire. Alors, évidemment, sa vie fait beaucoup pour sa légende et sa mort, surtout parce qu'elle est morte très, très jeune, à l'époque où elle commençait vraiment à faire parler d'elle. Elle est morte il y a une bonne quinzaine d'années maintenant. Je dis peut-être une bêtise, peut-être même un peu plus, je ne sais plus. En tout cas, voilà, elle est morte d'un cancer assez foudroyant et morte dramatique. Et pourtant... elle vient de sortir un album, donc ça c'est étrange aussi, puisque c'est sa voix qui a été mise sur un orchestre symphonique qui joue derrière. Alors généralement, quand on met des morts sur des orchestres symphoniques, moi c'est pareil, ça me tient à distance. Et ben cet album me touche, voilà, des fois ça ne s'explique pas. Quand je mets ça et que je marche dans la rue avec mon casque, et bien ça embellit un peu le paysage autour, donc ça tombe bien. Alors ce sont surtout des reprises chez Eva Cassidy, c'était Time After Time évidemment de Cyndi Lauper. Et puis avant, c'était un souvenir avec Eagles, avec The Last Resort et un petit bout de leur Wasted Time Reprise qui figure sur l'album Hotel California. On revient à des choses un peu plus actuelles puisque c'est une nouveauté qu'on va se passer dans The Rocks. Elle revient et elle fait l'unanimité après avoir été fait critiquer, on ne sait pas pourquoi. Ça se cristallise un peu des fois sur une artiste où, ça fait du bien de dire du mal. Peut-être qu'elle est trop belle, peut-être trop, je ne sais pas, trop avec une impression de papier glacé. Elle a mis tout le monde d'accord au fur et à mesure du temps et ce n'est que justice. Voici Lana Del Rey tirée de son dernier album Let the Light In et on retrouve le fameux et le grand Father John Misty sur ce morceau. Au début, c'est mieux. Pick you up at 3:15. Que je suis depuis bien longtemps et que j'admire et que j'aime. Elle a son style vraiment à elle. Je vais dire quelque chose qui va vous paraître un petit peu horrible à dire, mais non, c'est plutôt un compliment. Elle produit des albums qui sont des albums parfaits pour la sieste. Et voilà, on s'envole et on se retrouve au milieu des nuages. avec sa voix cristalline, faite de folk et un mélange de folk et de mélopée amérindienne. C'était Mary Sioux à l'instant, c'est une nouveauté, avec Snake Hoop, et puis juste avant c'était Lana Del Rey avec Let the Light In. On se retrouve la semaine prochaine avec Paddy O'Turner et son nouveau groupe The Vagabonds qui seront en concert et en coprogrammation ici même dans ces studios. Il y aura 3 musiciens face à moi et ça fait vraiment plaisir. Merci à toute l'équipe Veluée d'avoir écouté ce soir. Merci à l'Abeille. Et puis je leur dédie donc les 2 morceaux qui vont clôturer cette émission. D'abord Delaney Bailey, c'est une nouveauté avec My Skin, une émission en douceur, je vous l'avais dit. Et puis pour terminer, ce sera la grande Sarah McCoy tirée de son dernier album. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, 19h, 20h30, ici même, avec une émission live, live, live. Bonsoir, bonne nuit et portez-vous bien. My skin's not what it used to be. It's scabbed and it's raw from scrubbing you off of me. And I hope the place you're hiding is safe and warm. I hope you're finding shelter from the storm. But I'll stand in the rain long enough to got no one. Let me be the light you follow. Let me be the light that you follow. Isso é sinal que deu um trambolhão valente. Não, é evidente que, quer dizer, sendo realista, eu não tenho este pessimismo do Nuno e dos benfiquistas, que eu percebo a cautela, como é evidente, porque são três jogos ainda muito importantes que têm pela frente com grandes equipas. E ainda para mais, a visita do Porto nos últimos 5 anos tem dado mau resultado, não é? Porque há 5 anos que o Benfica, se não estou em erro, não ganha ao Porto na Luz. Penso que é esta a estatística. Mas não, vai pensando que eu já te confirmo. Vamos lá ver. O Porto vai entrar com a mesma atitude de sempre, e o Benfica sabe disso. O Porto não tem medo.